عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، طيب قد انتهينا من الفعل الماضي. طيب عندك محمد، إذا قلت لك أمي إلى المستشفى أكمل هذه الجملة بوضع الفعل. أمي ذهبت إلى المستشفى. خير يا حسن، بارك الله فيك. سيش تدي أخي إلى المطار تجرى أمي إلى المطار. Tu mets un verbe. Ah, je mets un verbe. Chut, frère. Viens, Mohamed, ici. Dahabat. Dahabat, Ahsant. Taïb. Et juste, c'est pas une bab de critique. Avant que vous arriviez, on a dit quoi? À partir de demain, le dars. Peut-être vous l'avez compris comme ça, c'est pas à 8h30. Hein? C'est ceux qui mangent. Ils mangent. Dès qu'ils ont fini, ils viennent tout de suite. Taïb, Inch'Allah. Voilà, c'est-à-dire si vous avez fini en mangeant 5 minutes, ben le dars il est à 8h05, il est à 8h05, il n'y a pas de mal. Taïb, Inch'Allah. Et respectez ceux qui sont mariés, car certains ils veulent rentrer tôt. Taïb, t'as dit quoi, Allah Hawadaka Daoud ? Zahabat. Akhi, j'ai dit, hein ? Ou Akhi ? Oumi, Oumi. Akhi. Oumi. Non, Oumi, c'est lui qui l'a dit. Ah, Zahaba. Zahaba, Akhi, il a le matar. Taïb. A, il a le madrasati ya Aïcha. A, il est stifhamiya. إلى المدرسة يا عائشة تجرى très bien حسنت إلى المدرسة يا عائشة إلى المدرسة c'est possible أحسنت طيب نحن إلى الملعب نحن ذهبنا إلى الملعب très bien أين بعد الدرس يا إخوان أين غيان أين أنصنا الله يحفظك أين بعد الدرس يا إخوان. Quand je dis ya ikhwan, ils sont là les frères ou ils sont pas là? Ils sont là, c'est pas possible, j'appelle des frères non présents. Et on avait dit une faïda, souvent, al-munada, tu appelles quelqu'un de présent. Hada wal as. T'as compris? C'est ça à la base. Mais sinon, il n'y a pas. Tu dis ya Allah. Allah, il n'est pas devant toi. From? Allah ybarak fik. Taïb? Comment? Taïb. Ahsant. Aïna? Quoi? C'est son présent, c'est ça. Enfin. Ya Ikhwan. Quand tu dis Ya Ikhwan, ils sont les frères là. Ils sont là. Ils sont où là, c'est-à-dire devant toi. Voilà. Alors tu dirais quoi? Aïna dahabou ya Ikhwan. Aïna dahabtou. Aïna dahabtou. Prends le par cœur, Inch'Allah. Il n'y a pas de mal, barakallahu fik. Taïb. Ana ma il al maktabati al-yum. Ana ma dahabtou il al maktabati al-yum. Très bien, barakallahu fik. Taïb. A لزيارة خالتكن يا بنات. أحسن بارك الله فيك. أخواتي إلى الكلية. très bien. أخواتي ذهبنا إلى الكلية. جزاك الله خير. طيب. Ça c'était le verbe ذهب. On va faire pour donner le حق au frère. الأذان يا محمد. Répète. سمعت الأذان يا محمد. Très bien. نحن كرة السلة اليوم. لعبنا. نحن كرة السلة اليوم. Très bien. C'est à toi, c'est toi qui as fait. T'as fait une erreur sur ça en plus. Très bien. أغسلتي. قمصاني ومناديلي يا أمي. Très bien. Ta bismillah les frères. Ta amul mayali grand 3. Ma'amana ta amul. Regardez attentivement. Très bien. Ta amul mayali. Ad-dars al-thalith. Taïb. Là, alhamdoulilah, il va quoi? Il va décortiller le verbe dahaba. Taïb. Dahaba. Il vous met quoi? Yusawi fi'l. Taïb. Ça veut dire toi, si tu veux faire l'i'rab, profite de ça. Taïb. Il te dit dahaba fi'l. طيب يساوي فعل زائد ضمير مستتر. pourquoi il dit يساوي ici? C'est-à-dire il a dit زائد ضمير مستتر يساوي فاعل. qu'est-ce qu'on avait dit? que tout verbe avait besoin d'un فاعل. كل فعل لابد من فاعل. c'est pour ça même si tu as ذهب automatiquement tu dis quoi? الفاعل ضمير مستتر. ما هو هذا الضمير؟ هو احسنت. طيب بارك الله فيك. طيب ذهب يساوي فعل. طيب زائد الواو يساوي الفاعل. كومبري ان شاء الله. اي سا لو الف ici ça fait partie de quoi الحروف التي تكتب ولا تنطق. C'est-à-dire ça s'écrit mais ça se prononce pas. طيب ان شاء الله. ذهبت, on a le verbe ذهب يساوي فعل, زائد التاء يساوي علامة التأنيث. علامة c'est-à-dire signe, تأنيث féminité si tu veux traduire mot par mot. طيب زائد الضمير المستتر, c'est-à-dire ici ne fais pas l'erreur quand tu feras l'i'rab, tu dis pas ذهبت ذهب فعل والتاء, tu dis فاعل. لا التأنيث هنا علامة التأنيث. ما معنى هذا يا عبد الكريم؟ Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je dis dahabat alamat al ta'anith. C'est un sujet féminin. Non, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire? On attend quoi de ça? Ça veut dire qu'il y a un sujet féminin. Voilà, ça veut dire que le sujet sera féminin automatiquement. Ne dis pas dahabat zaidoun. Akhata. Le fond de là, tout le monde a compris. Et également, on avait ramené une faïda par rapport au ta'anith. Daoud. Là, à part ça. On sait que le damir ici, il est non présent. C'est srahiya. Et que ta'anith, c'est le sujet. C'est mafta. Comment? Parce que le verbe. Non, non. Le fait de savoir ta'anith, de mettre ta'anith ici, ça nous permet de savoir quoi? Ahsan, barakallahu fik. On sait quoi? Min alamat al-fi'l al-madi. Hein? Apprenez ça. Hein? Parce que, comme je vous ai dit, bientôt, on va rentrer dans le mudara'. Ta'anith khas bil-fi'l al-madi. Dans le mudara', il n'y a pas, par exemple, tu diras. Zainabou tadhabat. La khatahaba. Le fond madame, tu diras quoi? Tadhabou. C'est compris? At-ta'tanit min alamat al-fi'l al-madi. Le fond madame, inshallah? Taïb. Al-damir mustatir, yusawi mada? Hiya. Zahabna, zahaba, yusawi fi'l. Zaid anna, al-fa'il. Taïb. Zahabta, zahaba, yusawi al-fi'l. Zaid atta, al-fa'il. Zahabta. Ici, ta c'est qui, Uthman? Un garçon, une fille, des garçons ou des filles? Un garçon, Ahsan. Taï, dhahabtum, dhahaba, fi'l, tu fa'al. Wal mim, alamat al-jam'. Me fomona? Le mim, c'est le signe de quoi? De pluriel. Barakallahu fikum. Dhahabti, dhahaba, fi'l, wa ti fa'al. Taï, à pas confondre avec quoi ici, Mahdi? Qalatil mar'a. قالت الطالبة ذهبت. Il y a une différence. Anti ذهبت إلى المستشفى. Il se dit قالت البنت. Les ti là, il y a deux ti, t'as vu, t'entends? C'est différent, c'est la même chose. Ouais, c'est différent. Vas-y, explique-le. ذهبت قالت تبيان. D'accord, une seconde. Je répète. Anti ذهبت. طيب. T'as compris? Qalati al-bintu. Qalati al-bintu. Les deux, il y a un ti. Est-ce qu'il y a une différence? Binti, hein? Tu révises, Mahdi. Hein? C'est ça, ça. Ah non, c'est un peu. Si tu... C'est pas plus clair que ça, Ben. Qalati. Dans lequel? Même si je répète pas, c'est dans quelle la règle du secoun? Dans quoi? Là où, c'est le frère. Khalid. La lettre du secoun, c'est possible que c'est un sujet qui vient après? Par exemple, est-ce que ça, par exemple, tu dis qulti ou anti dahabti? Là, ce sera fa'al automatiquement. Mais faut. Mais quand je dis par exemple, dis qalati al bintu. Ici, là, on a dit quoi? C'est pour faire la liaison. La liaison, parce qu'il y a quoi? Deux secondes qui se sont rencontrés. Mais faut, c'est-à-dire, le bint, vous n'allez quoi? Fa'al. T'as vu, Inch'Allah? C'est compris ça, Mahdi? Pas bien. Enfin, un cours khas. T'as vu. C'est quoi que t'as pas compris? Non, c'est la question, je crois. Mais l'exercice, là, tu as compris? T'as vu. طيب ذهبتن ذهب فعل زائد تو طيب يساوي فاعل طيب والنا علامات الجامع عليكم السلام مفهوم هذا ça veut dire quoi ça ressemble à quoi ça ذهبتم c'est vrai ou non vous avez compris ça ou non ذهبتم et ذهبتن le mime علامات الجامع والنا علامات الجمع. Mais la différence c'est quoi? الميم علامة الجمع للمن للمذكر. C'est le pluriel pour les garçons. أما النا le pluriel des femmes féminines. Très bien. بارك الله فيك مالي. ذهبت ذهب c'est le verbe et tout c'est le فاعل. ذهبنا ذهب فعل والنا فاعل. طيب إن شاء الله. Je pense que tout le monde a compris ce tableau là. Tu comprends Daoud? Bien. Mahdi? Bien. Wahabi? Tout le monde a compris, Inch'Allah, le verbe d'ahaba au mardi? Taïb. Kharaj, taïb. Ad-dars al-rabi'a, leçon 4. Ayyen al-fa'al fi mayani. Ayyen, même ana ayyen, ya Abdullah. Ayyena. Désigné. Taïb. Ayyena, désigné un peu. Taïb. Non, fadda. Parce que le duel il l'a laissé dans la leçon 31. Tu vois? Non, il n'y a pas de mal dans la. Moi, c'est moi qui vous l'a donné en complément. Mais sinon, celui qui veut voir. On a vu en plus le duel. Antuma, Kharashtuma. Mais celui qui veut le tableau, il regarde la leçon 31. Voilà. Normalement, c'est pas ça. Ou la leçon 30. Voilà. Il y a un tableau là. À la maison, vous regarderez le tableau. Il y a un duel. Il parle du Muthanna. Taïb. Bismillah. On a ayyan al-fa'al fi ma, c'est-à-dire quoi? Il te dit désigne le sujet dans ce qui suit. Kharajtu ayyan al-fa'al. Tu taïb. Jalasna. Taïb. Si c'est possible, vous me dites fa'al, mudhakkar, jam', mufrad, ghaib, comme ça au moins. Taïb, sami'ti. Si tu peux le dire en arabe, dis-le Abdelkader. Si tu peux pas, il n'y a pas de. Hassan. Moukhatab. Non, il manque quelque chose. Moufrad. Voilà, singulier. Sharibtunna. Sharibtunna. Là, tu. Wanna, alamat, al-jam. Mouanna. Barakallahu fik. Le tu, c'est le fa'al. Et le na, c'est quoi? Signe pluriel féminin. Dakhalou. Le waouh, le fa'il, le fa'il, le jama'a, mudakkar. Non. Le waouh, pluriel, mudakkar. Et ghaib, mukhatab, ou mutakallim. Ghaib. Ghaib, ahsan, non présent. Hafidna. Na. Na, ouais. Y'en bas. Mouannes. Mouannes. Jam. Jam, ahsan. Il va juste la langue. Ghaib. Ghaib, ahsan, barakallahu fik. Akaltum. Jam. C'est quoi le jam? Jam. Aïn el fa'al, il t'a demandé le fa'al. Tout. Le jam. C'est-à-dire, alamat el jam. Dis pas le jam. Alamat el jam, mim. Mais quel jam? Mouadaka. Mouadaka, ahsant. Moukhatab. Moukhatab, barakallahu fik. Jam. Tout, c'est le fa'al. Et le mim, alamat el jam. Naam. T'as vu quoi? Il a dit, Khatitna, il a dit, le nom, c'est. Fa'al. حفظنا. النساء حفظنا. بارك الله فيك. طيب فتح. فتح فاعل. ici c'est Damir Mustatir هو. هو. c'est بالغائب وذكر مفرد. أحسن. طيب الفاعل Damir Mustatir هو غائب مفرد مذكر. طيب singulier masculin non présent et sous-entendu fahimtunna fa'iltu na jam' salam rahmatullah jam' alamat al jam' li al muannath ya sous c'est sûr là c'est-à-dire ghaib c'est-à-dire sont pas là c'est-à-dire toi par exemple si tu veux dire à des sœurs elles sont pas présentes tu dis ahsan بارك الله فيك. طيب فهمتن elles sont face à toi. كتبت مذكر مفرد. D'abord commence الفاعل. فاعل فاعل مذكر مفرد. طيب مخاطب احسنت. غسلت تاء مفرد مؤنث. Le فاعل il t'a demandé. L'exercice c'est dis nous il est où le فاعل. فاعل le تاء. C'est-à-dire le تاء avec la سكونة. طيب Fait al madi ghassala tayeb. C'est-à-dire pour toi il est où le sujet ici là? Regarde le tableau, tu vois le tableau qu'on vient de finir là, Mahdi? Regarde bien, retourne, laisse que lui il va tourner. Comme salam. Ta'amil mayali, tu t'en souviens? Regarde la troisième, le troisième exemple. Dahaba, dahabu et dahabat. Lis ce qu'il y a écrit, lis toute la ligne. Je t'ai dit l'exercice d'avant là. Ta'amil mayali. Doucement, doucement, regarde. Dahabat, il t'a mis quoi? Dahaba. Tu me suis? Il t'a dit c'est égal à quoi? Non, non. J'ai pas écrit fa'al, c'est pas possible. Je te l'ai fait voir, hein. C'est pas possible. Taïb, dahaba. Taïb? Fi'al. Taïb, suis. Plus, ta. Il y a quoi? Il y a un ta avec une secoune, c'est vrai ou non? Il t'a dit c'est égal à quoi? Alamata'atani. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Alamata'atani? Il t'a dit que c'est un verbe, c'est un sujet? Il y a une différence entre dire c'est le sujet et que c'est un signe de féminité? Il y a une différence. Taïb, lis après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Damir Mustatir, c'est égal à quoi, il t'a dit? Non, il est marqué, mais il y a quelque chose de mal écrit, non? Si, c'est marqué. Si, c'est marqué, c'est Inch'Allah. Sois optimiste, regarde, c'est écrit. C'est pas marqué. C'est en dessous, les frères. Lisez une ligne. Fa'al. T'as compris, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire Damir Mustatir Fa'al? Il est là? Quand je dis Dahabat, il est pas là. C'est-à-dire le. Et toi, tout à l'heure, t'as dit Dahabat, le ta c'est Fa'al. C'est bon alors? C'est quoi le ta ici? Quand je te dis Aminatu Dahabat. Ouais? C'est quoi un tatani, Ahmed? Ta'anith. Il est où le sujet? C'est hier. Ouais, mais il est où? Il n'est pas là. C'est-à-dire non présent. Taïb. Taïb. Et là, c'était quoi? Rasalat. Et ta, ici, c'est ta, ta'anith, al-fa'al, dhamir mustatir, hiya. Taïb. La'ibu, wahbi. Là, la'ibou, lui demande juste, il est où le sujet? Al-waou, ahsant. Barakallahu fi. Et c'est pour qui ce sujet-là? Mudakkar. Jam, ahsant. Mudakkar, masculin. Jam, pluriel. Ghaib. Taïb, non présent, na'am. Tu peux rappeler, c'est quoi le alif? On a dit, c'est un harf qui s'écrit, mais qui ne se prononce pas. Dakhala. Très bien. Zamir, Mustatir, Houa, Raib, Mudakar, Mufrad. Zarabet, Mahdi, refais-le celui-là, Zarabet. Il est où le sujet? Il est où le sujet? Moi, si je te dis il est où Mecca, tu me dis par exemple, c'est une ville. Hein? C'est, voilà, Hiya. Ça veut dire quoi, Hiya? Même l'Alfra. Raïb, Ahsan, Barakallahu fik. Toi, concentre-toi sur les questions. Si je te dis il est où le sujet, ne me dis pas hiya. Là, tu me dis Damir Mustatir. Après, tu me dis quoi? Hiya. Mais fom, hakad. Sinon, hiya, c'est bon. Mais au niveau de la réponse, si je te dis Darabat, Ain al-Fa'al, tu me dis quoi? Damir Mustatir, hiya. Et c'est quoi le ta ici, là, il y a un sukun? C'est-à-dire Alamat Ta'anit. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, Alamat Ta'anit? Féminité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ça, parce qu'on a dit tout verbe a besoin d'un fa'al. D'un fa'al. C'est-à-dire automatiquement on attend quoi là? Mais de quel type? Féminin. Ahsan, t'as compris ça? Tu vois.